La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Mardi prochain à 20h, nous allons nous retrouver, vous le savez, en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et également dans 150 salles de cinéma en France pour la deuxième conférence sur le cerveau avec le neurologue Lionel Nakache. Et au menu de cette soirée événement, l'attention et la concentration. Incapacité de se concentrer, déferlement d'images et de sollicitations, l'attention semble en crise et pourtant à contre-pied des lamentations courantes sur le déficit attentionnel pathologique de la société, eh bien il y a une voix qui propose de rediriger notre attention en nous rendant tout simplement plus attentifs aux uns et aux autres. Économie et écologie de l'attention, c'est donc le sujet cet après-midi de notre Tête au Carré. Avec vos messages et toutes vos questions, vous nous retrouvez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science, un constat amer pour la biodiversité florale dans notre pays. Et oui, les scientifiques viennent d'évaluer le risque de disparition des espèces de la flore en France. Et comme souvent, quand on parle de biodiversité, les constats sont préoccupants. On en parle avec vous dans un instant. Hélène Bizio réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Comment dépasser la crise de l'attention qui semble toucher nos sociétés aujourd'hui? C'est donc le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités que je salue, le professeur de littérature et médias Yves Citon qui est avec moi en studio à Paris. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Et en duplex de Lyon, bloqué par la neige, Jean-Philippe Lachaud. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour Yves. Directeur de recherche INSERM au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Yves Citon, vous vous demandez dès le début de votre livre s'il est bien raisonnable d'avoir écrit un ouvrage à l'heure où plus personne ne semble avoir le temps de se concentrer sur la lecture. Vous êtes sérieux ou pas? Ben si, c'est une des contradictions des discours sur l'attention, à savoir qu'on tient à la fois un discours apocalyptique qui fait que plus personne n'est attentif à quoi que ce soit, et qu'en même temps, on continue à faire une série de choses comme si, on continuait à être un peu attentif. Et ces espèces d'ambivalences qui m'intéressent là-dedans, oui, il y a une crise de l'attention, on la sent de plein de façons, et non, c'est pas forcément très nouveau, et c'est pas forcément la manière habituelle dont on la situe qui, elle, qui nous donne beaucoup d'outils pour la comprendre. Oui. Et donc on va la repositionner effectivement avec vous. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que dans l'écriture même de votre livre, vous avez pris en compte ce problème attentionnel au point justement de proposer différents rythmes de lecture avec des expressions clés mises en gras accompagnées d'une définition concise et signalée par des italiques. Vous avez donc adapté vraiment l'écriture du livre à ça? J'ai essayé de faire qu'on puisse le lire en une demi-heure, voilà, qu'en une demi-heure dans un métro, on a un petit peu les idées générales de ce qui tient, et puis que si ça nous intéresse telle ou telle partie, ben on peut creuser un petit peu, ou alors on peut se plonger dedans, peut-être. Ça, je sais pas, c'est un peu immodeste de dire ça, mais il y a en tout cas plusieurs modes de lecture prévus. C'est pas une grande déception pour le professeur de littérature que vous êtes d'en arriver à faire ce genre de choses? Eh ben non, pas du tout. Au contraire, je trouve que la beauté de l'attention, c'est sa flexibilité, c'est ce qu'on peut faire avec, et je vois beaucoup de mes collègues professeurs de littérature qui s'offensent que leurs étudiants sortent un téléphone portable, alors que lorsqu'on fait des réunions, tout le monde fait ses mails pendant les réunions. Mmh. Ce qui est une bonne chose, parce que pendant les réunions, on s'ennuie, donc autant faire ses mails. Jean-Philippe Lachaud, est-ce qu'on peut parler de pathologie de l'attention à l'échelle de la société aujourd'hui? D'une certaine façon, oui, tout à fait. En tout cas, il y a une évolution, c'est clair, dans les modes d'attention au niveau sociétal, et on en parlera. Il y a des mécanismes qui sont pas juste au niveau individuel, mais qui se diffusent. Ça va être à l'échelon de toute la société et qui produisent effectivement le type d'effet dont parlait Yves. On va parler quoi, du cerveau collectif alors, du coup, avec vous? Eh ben, tout à fait. On va parler d'attention conjointe, par exemple. On peut même parler de médias, pourquoi pas. Est-ce que le cerveau attentif est très différent du cerveau hyper sollicité, Jean-Philippe Lachaud? Enfin, il faut savoir d'abord que le cerveau est tout le temps attentif, hein, puisque l'attention, c'est le fait de s'intéresser ce qu'on a autour de soi à quelque chose en particulier. Or, c'est la définition de l'attention, on est tout le temps en train de faire attention à quelque chose. Donc, en fait, même la nuit, paraît-il. Hein. Alors oui, voilà, on peut jouer sur les définitions. Quand on rêve, est-ce qu'on est attentif au rêve? Mais en tout cas, ce qui est en jeu là, c'est plus la stabilité de l'attention. plutôt que l'attention elle-même. Et effectivement, sans aucune stabilité de l'attention, il y a pas mal de choses qu'on ne peut plus bien faire. Jean-Philippe Lachaud, je signale que vous serez justement un de nos invités mardi soir pour la conférence événement sur l'attention et la concentration aux côtés donc de Lionel Lacache. On va se retrouver donc dans un instant tous ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. À tout de suite. Comme il est agréable ce son de Marthe Piqueur aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, pour parler entre autres des dommages causés par l'urbanisation et l'activité humaine sur la flore. Oui, c'est agréable. Parlez-nous de fleurs plutôt que de Marthe Piqueur. On évoquait il y a quelques semaines à peine l'appauvrissement de la biodiversité française animale. Ouais. Et là, c'est la flore du territoire qui a fait l'objet d'un examen approfondi qui a nécessité 3 ans de travail aux scientifiques. Et cette évaluation menée entre autres par l'Union internationale pour la conservation de la nature a abouti à une liste rouge des espèces de plantes menacées en France. On en parle tout de suite au téléphone avec Gérard Largier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et vous représentez aujourd'hui la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Quels sont les grands constats que vous tirez de ces années de travail ? Les grands constats, c'est qu'on a effectivement 15% de la flore vasculaire de France métropolitaine qui est menacée. Et les menaces principales, c'est la pression sur les milieux naturels, la dégradation des habitats qui s'exprime notamment par la pression d'urbanisation et d'aménagement de l'espace. Qu'est-ce que c'est que la flore vasculaire, s'il vous plaît ? Petit point de précision. Alors la flore vasculaire, ce sont les plantes à fleurs et à graines et les fougères, celles qui ont des vaisseaux conducteurs de sève. Donc ça comprend pas les mousses et les algues et bien sûr ça comprend pas les champignons et les lichens qui ne sont pas des plantes. Et parmi ces 15% de plantes, il faut dire qu'il y a des plantes qui nous sont propres, qui n'existent que sur le territoire français. C'est-à-dire que si on les perd, c'est perdu pour toujours et pour partout. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les endémiques. On en a 210 sur le territoire français, ce qui n'existe que dans notre pays. Et donc, effectivement, si on les perd, c'est une disparition sèche pour la planète, en fait. Métropole ou En France métropolitaine, oui, parce qu'effectivement, dans les autres territoires, dans les Outre-mer, on a une diversité floristique qui est encore plus riche qu'en France métropolitaine, notamment en Guyane. Et vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation. Quelles sont-elles ? Donc les raisons, c'est la pression sur les habitats, c'est donc l'étalement urbain par exemple, avec les zones d'activité, avec l'urbanisation, c'est la pression sur certains milieux comme les zones humides. Il faut savoir qu'on a perdu la moitié des surfaces de zones humides au cours du XXe siècle pour l'aménagement, notamment pour l'agriculture. Et puis c'est également la pression liée à l'agriculture contemporaine, intensive, qui exerce des pressions importantes sur les espèces compagnes des cultures, qu'elles soient animales ou végétales d'ailleurs. Vous parliez de l'étalement urbain, d'ailleurs en France on est champion pour ça. Tous les 6 ou 8 ans on gagne un département, c'est ça ? Alors, on gagne, on perd. Département en artificialisation. Et effectivement, l'équivalent de la surface d'un département moyen tous les 6 à 8 ans. C'est gigantesque. C'est dire combien on aménage. Oui, c'est gigantesque, en fait. Et alors, c'est vrai qu'on a en tête la pression active de l'homme, mais le rapport explique aussi que quand on relâche cette pression, ça crée d'autres problèmes pour la flore. Expliquez-nous ce paradoxe. Eh bien, il y a des territoires en fait où on voit notamment de l'exode rural, les dépressions agropastorales, qui font que la pression de l'homme effectivement est moins forte sur les milieux, puisque on arrête de gérer, d'utiliser certains types de milieux. Donc on va vers des dynamiques d'embroussaillement et de reconquête forestière, qui sont des dynamiques naturelles, mais dans un contexte qui n'est pas forcément complètement naturel, parce qu'on a déjà beaucoup modifié les espaces, et il manque certaines choses, comme par exemple la pression en herbivore sauvage qui maintient des milieux ouverts. Et donc les espèces prairiales vont disparaître, régresser dans ces situations-là. Gérard Largier, on parle souvent de résilience même justement pour les végétaux. C'est pas si simple que ça alors finalement hein. Non, c'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans des systèmes très complexes avec des interactions entre les végétaux, les animaux, les champignons. Donc dès qu'on touche un maillon du système, on met en péril l'ensemble. Alors, quelles sont les espèces de fleurs ou de plantes qui souffrent particulièrement, qui disparaissent le plus ? Eh bien, par exemple, vous avez dans les milieux humides et les tourbières une espèce comme le spirante d'été qui est menacée par l'aménagement et les drainages. Vous avez des espèces comme l'orchis lactée dans la grande agglomération toulousaine qui est menacée par l'artificialisation de l'espace. Et donc on a, selon les territoires, un certain nombre d'espaces, vous avez l'Eryngium maritimum par exemple sur les arrière-dunes de Bretagne également qui est menacée. Donc le rapport donne une liste et des exemples assez complets sur la situation actuelle. Mais on peut le voir à l'œil nu ça ou pas, concrètement ? Alors à l'œil nu, c'est difficile pour pas mal d'espèces. Par contre, on peut avoir en tête certaines évolutions. Par exemple, l'évolution dans les champs cultivés avec moins de diversité ou plus du tout de diversité se voit très visuellement au niveau des couleurs, en fait, hein, puisqu'on a les compagnes sauvages très colorées qui disparaissent progressivement. Alors, est-ce qu'il est encore possible d'agir pour inverser la tendance dans le futur ? Oui, il est possible d'agir. Alors d'abord, il y a des réseaux de comme les conservatoires botaniques et leurs partenaires, les associations qui sont vigilants, qui observent et qui donnent des conseils, qui donnent des avis. Mais il est urgent d'agir. Il y a une question de moyens également, et puis également d'attention, parce qu'à travers les listes rouges, on publie des chiffres qui sont révélateurs de ce qui se passe. Mais il faut ensuite qu'il y ait l'attention suffisante de l'ensemble des décideurs, des pouvoirs public pour prendre des décisions, mettre des moyens également, et puis aussi le rôle de tout un chacun. Merci beaucoup Gérard Largier. Je rappelle que vous êtes directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis Héloïse, on se retrouve demain jeudi. À demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est toujours l'incontournable des murs des classes de chimie, le tableau périodique des éléments qui fête ses 150 ans. Loin d'être ringardisé et de prendre la poussière, il reste une référence pour les chimistes d'aujourd'hui et se situe plus que jamais au centre de la recherche scientifique. Il a été pensé en 1869 par le russe Dmitri Mendeleïev, véritable rockstar de la chimie de son époque. Son tableau est le résultat de décennies de recherches, de découvertes et de tentatives de classification avec un seul but, comprendre la matière qui nous entoure et nous compose. Les physiciens seraient capables de vous chuchoter à l'oreille rien qu'à vous, même si vous êtes à l'autre bout d'une pièce bondée et bruyante. C'est en tout cas ce qu'ont réussi à faire des scientifiques du MIT. Leur technologie repose sur l'utilisation d'une lumière laser qui vient exciter l'humidité de l'air autour de l'oreille de la personne visée. La vapeur d'eau absorbe la lumière et crée un son audible, mais seulement à une distance précise de l'émetteur, ce qui permet de s'adresser à une personne en particulier. Les chercheurs prévoient ensuite de démontrer l'intérêt de leur méthode en extérieur et à plus longue distance. On aurait pu en parler hier avec le prix Nobel de physique Gérard Moureau, qui était notre invité et spécialiste des lasers. Et puis un petit morceau de pierre rapporté de la Lune par les astronautes d'Apollo 14 en 1971 serait en fait très probablement d'origine terrestre. Une étude publiée cette semaine estime que la roche lunaire, vieille de plus de 4 milliards d'années, pourrait contenir le plus ancien échantillon de la Terre jamais découvert. Les auteurs pensent qu'un ou plusieurs impacts d'astéroïdes ont frappé la Terre et ont éjecté de la matière terrestre dans l'espace. La roche serait ensuite entrée en collision avec la Lune, qui était à l'époque 3 fois plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Allez, l'attention, c'est le dossier de l'émission dans un instant. Recommencer, c'était Hubert Lenoir à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, comment rediriger notre attention au milieu du chaos de l'hyper-sollicitation. C'est donc le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités Yves Citon et Jean-Philippe Lachaud. Yves Citon, vous êtes professeur de littérature et médias à Paris 8 et co-directeur de la revue Multitude. Et en 2014, donc, vous avez publié cet ouvrage pour une écologie de la tension qui est aux éditions du Seuil et évidemment ouvrage toujours valable à la lecture aujourd'hui. Jean-Philippe Lachaud, vous êtes en duplex avec nous depuis Lyon, directeur de recherche INSERM au Centre de Recherche en neurosciences de Lyon, justement, et vous avez publié, entre autres, Les petites bulles de l'attention, énorme succès pour cet ouvrage, publié chez Odile Jacob. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». Yves Citon, j'ai envie de vous lire déjà le premier message d'un auditeur, qui s'appelle Patrice, et qui nous dit ceci: nos activités quotidiennes sont sans cesse détournées et phagocytées par la publicité. Notre modèle libéral où le business est déifié n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans la perte de l'attention? Alors ça colle complètement avec ce que vous nous dites. Il y a presque un message politique d'ailleurs dans votre livre finalement. Ah, je crois que l'attention est une question politique, voire antépolitique, à savoir qu'on ne peut débattre ou discuter que de sujets auxquels on se sera rendu attentif. Et typiquement, Gérard Largier tout à l'heure, qui nous parlait de cette moitié des zones humides qui ont disparu, eh ben, on n'était pas très attentif à ceci. Il nous parle de la couleur des champs, qu'il y avait plus de couleurs avec la diversité. Ouais. Et ben, justement, ça, d'habitude, on dit, bah, tiens, on est distrait. Hein, au lieu de lire un rapport quand on est dans le TGV, on regarde dehors et c'est de la distraction. Mais de se rendre attentif à la couleur des champs, peut-être c'est parce qu'on l'a pas assez fait et qu'on a trop lu de rapports, de chiffres ou de tableaux Excel, qu'on est maintenant dans une situation pré-effondrement. Donc oui, c'est une question politique. Ce qu'on appelle politique dépend de ce qu'on aura considéré comme digne d'attention. Et on vit dans un régime néolibéral, capitalisme financier, appelons ça comme on veut, qui oriente toutes nos attentions sur une finalité unique qui est le profit actionnarial. Donc on achète notre attention, c'est ça que ça veut dire presque. Ça, c'est encore autre chose. Il me semble qu'il y a quelque chose très loin à l'horizon qui est que toutes nos attentions, mais moi qui suis enseignant, on me dit ce que tu fais à l'université, c'est de professionnaliser les jeunes. Professionnaliser, ça veut dire que je dois les former les pour modeler. Qu'ils rentrent, voilà, pour qu'ils rentrent dans quoi? Dans les attentes de ce qui va faire du profit. Alors après, il y a autre chose qui est qu'il y a une économie de l'attention, que notre attention se vend, s'achète. Ça fait déjà depuis plus d'un siècle et demi que ça se fait. Mmh. Et ça se fait de plus en plus, forcément, avec les moyens numériques. Ouais, on va avoir un très bel exemple dans un instant avec la voix d'Albert Jacquard. J'aimerais juste me tourner vers Jean-Philippe Lachaud pour vous demander, Jean-Philippe Lachaud, si vous êtes sensible à ce message politique, finalement, autour de l'attention. Oui, tout à fait, assez fortement, d'ailleurs. mais, par exemple, là, pour venir dans ce magnifique studio lyonnais, j'ai pris le métro, puis j'ai traversé un centre commercial, et je me suis fait la réflexion que ce que j'avais en tête régulièrement, c'était les messages publicitaires sur lesquels se portait mon regard, parce que quand on voit un texte écrit, une phrase courte, c'est très difficile de ne pas la lire. Mmh. Et donc finalement, on m'a parlé, j'ai eu l'esprit occupé par tous ces messages sur tout le chemin, sans que je l'aie vraiment décidé. Ça, c'est un petit peu automatique. Et ben voilà, il y a clairement un envahissement, parce que si vous voulez vendre quelque chose, vous avez absolument besoin de l'attention du consommateur, parce que si vous n'avez pas son attention, vous n'existez pas, votre produit n'existe pas. Donc c'est un enjeu majeur dès l'instant où vous avez quelque chose à vendre. Alors ça fait écho évidemment à une déclaration très célèbre de l'ex-PDG de TF1, Patrick Lelay, sur le temps de cerveau disponible, dont s'était d'ailleurs emparé le philosophe Albert Jacquard en 2005. Le métier de TF1, dit son président, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, ce téléspectateur, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Fin de citation. Vous avez bien entendu, dans l'esprit de ce patron de télé, son métier consiste à décerveler les téléspectateurs et de gagner de l'argent en vendant à des entreprises avides de bénéfices cette marchandise qu'est la disponibilité des esprits. Voilà la voix d'Albert Jacquard en 2005. Yves Citon, vous vous souvenez des réactions très virulentes par rapport à cette phrase qui avait choqué beaucoup de gens. Au fond, elle n'était que l'expression d'une certaine vérité, hein. Alors voilà, c'est de nouveau, je parlais d'ambivalence tout à l'heure. Sitôt qu'on parle d'attention, on est dans les mesures d'ambivalence, à savoir qu'à la fois, il ne faisait que dire de façon un petit peu honnête, candide ou alors cynique, quelque chose qui, de nouveau, comme je le disais, régit la publication, par exemple, des médias de masse depuis, mettons, 1833. C'est les années 1830 où on commence à vendre quelque chose comme un journal en dessous du prix de revient et donc à gagner contre la concurrence parce que on vend des espaces publicitaires à des annonceurs. Donc ça date depuis plus d'un siècle et demi, donc M. Lelay en 2001 quand il dit ça, il dit rien de nouveau, il dit quelque chose qu'il savait, et en même temps de le dire ouvertement, il y a quelque chose d'obscène de l'assumer, ben voilà, ça devient une sorte de chose qu'on peut dire ouvertement, il y a quelque chose d'absolument intolérable, qui doit continuer à être perçu comme intolérable, un petit peu comme Jean-Philippe Lachaud le disait tout à l'heure, moi j'ai de plus en plus de mal à marcher dans le métro, à marcher dans la rue, et à sentir ces agressions constantes de slogans, de mots, d'images, de femmes plus ou moins dénudées qui me sautent au visage pour me vendre des trucs. Et il y a quelqu'un qui a fait un livre qui s'appelle Matthew Crawford, le livre s'appelle Contact, qui dit que le contrôle de notre attention est une affaire de classe. Il prend l'exemple des aéroports. Vous allez à l'aéroport, vous êtes en classe économie, on vous bombarde avec des écrans, de la pub, etc. Vous avez ces salons grands voyageurs pour les gens qui voient, les millionnaires qui voyagent tout le temps. Silence, mur blanc, donc disposer de son attention, ça devient un privilège de classe. Et plus on est pauvre, plus on est exposé à des agressions qui phagocytent, comme le disait Patrice, notre attention. Jean-Philippe Lachaud, le fait de décérébrer finalement les individus, il y a vraiment cette intention-là, au fond, hein. Alors l'intention, elle n'est pas de décérébrer, hein, c'est de récupérer de l'attention, c'est-à-dire de rentrer dans cette espèce de coffre-fort qui est dans le cerveau correspond aux zones qui prennent les décisions, notamment des décisions d'achat. Donc voilà, hein, c'est le jeu. L'intention, c'est pas juste de décérébrer, c'est juste de vendre quelque chose et finalement de faire son business. D'avoir de l'espace libre, donc, pour pouvoir imposer ces messages. Yves Citon, en quoi l'attention est un objet, d'ailleurs, qui vous intéresse, vous, en tant que professeur de littérature et médias? Parce que vous êtes un petit peu en marge pour cette émission scientifique. Alors, tout à fait. Moi, ça m'intéresse parce que la littérature, pour moi, c'est rien d'autre qu'un certain mode attentionnel. À savoir, je crois pas qu'il y a des textes littéraires et puis il y a des textes pas littéraires. Je peux lire Le Monde, je peux lire des courriels et les lire avec un œil ou avec une attention littéraire qui me sensibilise à ce qui se passe de plus que simplement communiquer un sens de façon aussi transparente que possible. Donc, pour moi, il y a une continuité absolue. Et après, avec ce qu'on fait avec la revue Multitude, il y a aussi une dimension politique dont on parlait tout à l'heure, qui est qu'il me semble aberrant de continuer à parler de politique sans poser des questions de médias, sans poser la question de toutes ces interfaces qui constituent les problèmes mêmes dont on dit après coup qu'ils sont politiques, sur lesquels on se bat, etc. Oui, mais là, c'est des questions non seulement sociétales, mais ce sont de vraies questions humaines qui touchent directement les individus et finalement, peu nombreux sont les politiques qui s'en préoccupent, hein. Oui, ou même plus qu'humaine. On a vu tout à l'heure que ce manque d'attention aux zones humides ou à certaines espèces fait que des non-humains disparaissent de notre planète à un rythme effréné. Luc nous dit, cri d'alarme d'un professeur de chirurgie, on constate chez les étudiants actuels une capacité d'attention moyenne d'à peine 40 minutes, nous dit Luc. C'est absolument dramatique. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études très précises qui ont été faites. Je crois qu'aux États-Unis, il y en a eu, hein, sur des temps d'attention encore beaucoup plus courts d'ailleurs, hein, en classe. Alors là, moi, je ne vais pas parler devant Jean-Philippe Lachaud qui connaît ces choses-là beaucoup, beaucoup mieux que moi. Ben, peut-être mais je reviendrai en tant, en tant que professeur, est-ce que vous avez constaté comme une baisse de l'attention de vos élèves? Alors, c'est très, très... Pour moi, c'est compliqué de dire ça. À savoir, avant de personnaliser la chose sur l'étudiant est individuellement plus ou moins attentif à ce que je dis, il faut, moi, si je parle d'écologie de l'attention, il faut se poser des questions de milieu, d'environnement attentionnel. Et donc, je crois que ça dépend ce qu'on fait. Il y a des moments où les étudiants seront plus ou moins intéressés parce qu'on fait des trucs qui marchent. Puis, il y a des moments où on s'aperçoit soi-même qu'on dit des choses un peu banales ou stupides. Un peu rasoir. Puis, que, voilà, et puis là, ils font leur téléphone portable. Et puis, tant mieux pour eux, ils veulent pas perdre leur temps à écouter les âneries. Que je peux dire. Donc, pour moi, c'est plus compliqué. Ouais. Après, mais Jean-Philippe... Alors justement, est-ce qu'il y a des études là-dessus, Jean-Philippe Lachaud? C'est compliqué. Tous les chiffres qui viennent là-dessus sont un peu contradictoires. En fait, ça dépend de la continuité de l'attention. J'ai cet exemple, je crois que je l'avais déjà cité sur cette antenne, c'est des parachutistes de précision qui doivent aller taper avec le talon une petite pièce de 50 centimes, qui me disent que pour eux, les 10 secondes finales du saut, où il faut une attention absolument continue, à la fraction de seconde près, absolument épuisante. Donc dans ce cas-là, le temps maximum d'attention sera 10 secondes. Ça dépend de l'exigence de continuité. C'est très très difficile à chiffrer. Allez, on se retrouve dans un instant suite de notre discussion sur la crise de l'attention avec nos auditeurs, bien sûr, qui nous rejoignent sur franceinter.fr. It's always the same as always. Ordinary Pleasure, c'était Toro y Moi. Centre-toi, sens la force affluer. Oui. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, attention, concentration, je vous rappelle que ce sera donc le thème de notre rendez-vous mardi soir à la Maison de la Radio et près de chez vous dans 150 salles de cinéma en France, mais c'est dès cet après-midi dans la tête au carré avec mes invités Yves Citon, professeur de littérature et médias pour ce livre pour une écologie de l'attention sorti au Seuil en 2014 et Jean-Philippe Lachaud avec nous et toujours les petites bulles de l'attention publiées chez Odile Jacob. Qu'est-ce que vous entendez par écologie de l'attention, Yves Citon exactement? Comment il faut l'interpréter ce mot dans ce contexte? Alors, il faut l'interpréter par un double déplacement, un premier déplacement qui est qu'on a parlé avec Patrick Lelay d'économie de l'attention. C'est ce qu'on disait, ça s'achète, ça se vend, Google, Facebook accumulent des profits ou une capitalisation énorme. Donc, en marchandisation. Voilà, marchandisation, ouais. Ça c'est l'économie. Et moi je voulais me détacher de ça en disant, il faut comprendre ce que c'est que cette économie de l'attention, mais il faut la réinscrire dans quelque chose de beaucoup plus important, qui est une écologie, à savoir non seulement faire du profit, mais avoir des comportements attentionnels soutenables, attendre des autres que leur attention soit aussi non pas épuisée, comme on extrait un peu du pétrole, puis après on le brûle et puis on s'en fiche. Là, les ressources attentionnelles sont au moins aussi précieuses que celles de pétrole ou autres, et donc il faut apporter un comportement plus écologique, moins extractiviste par rapport à l'attention. Ouais. Et puis il y a une troisième chose qui est de sortir un petit peu de la prémisse générale qu'on a qui fait que l'attention c'est un phénomène individuel. Tout à l'heure c'est l'étudiant qui n'est pas attentif à ce que je dis, ou alors c'est moi qui regarde mon écran. Et là, parler d'écologie, c'est de dire que on gagne beaucoup à penser les attentions en termes de milieux. Il y a des milieux attentionnels avec des médias, avec des rapports entre les humains, avec une attention qu'on porte les uns aux autres, qui est au moins aussi importante que ce que je fais moi face à mon écran ou mon livre. Donc c'est un véritable écosystème finalement, attentionnel, Jean-Philippe Lachaud, avec des interactions finalement. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce qu'on se dit là cet après-midi, c'est que l'attention n'est pas le fait d'un seul individu, mais il est lié à un environnement collectif. Oui, tout à fait. Il y a un phénomène qu'on appelle l'attention conjointe, dont on peut faire l'expérience très facilement quand tout d'un coup on marche dans la rue et qu'on voit plein de toutes les personnes en face de soi qui regardent sur la gauche. Assez spontanément, on va la regarder sur la gauche aussi parce que c'est un signe qu'il y a quelque chose d'important qui s'y trouve. Donc l'attention comme ça peut être très facilement orientée par un groupe social et ça se reproduit même au niveau des médias par exemple quand des thèmes vont émerger comme étant dominants dans l'actualité à un moment donné. Ça va prendre un statut particulier dans l'esprit de tout le monde, ça va devenir important et tout ce qui va être lié va attirer plus l'attention. Bon, en ce moment, on voit bien de quel thème il pourrait s'agir, mais pendant une Coupe du Monde, par exemple, de football, il y a énormément de publicités qui vont utiliser le football, l'image du football, le ballon, les joueurs, etc., parce que ça va attirer plus l'attention, parce que c'est ce que tout le monde a dans la tête à ce moment-là. Donc il y a vraiment cet effet-là. Alors Frédéric nous écrit sur franceinter.fr et nous dit d'accord avec vos remarques de tout à l'heure, Jean-Philippe Lachaud, mais le téléspectateur peut choisir de zapper, d'arrêter de regarder ses pubs, de ne pas traverser le centre commercial, de couper le son de son téléphone. Est-ce qu'il est vraiment aussi simple que ça de se protéger justement des sollicitations ? Alors, c'est possible, effectivement, tout à fait. On a la machinerie cérébrale pour décider de ce à quoi on fait attention, mais il faut savoir que ça prend du temps. C'est la première chose pour réfléchir, pour anticiper. Voilà, si je fais attention à cela, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je choisis peut-être de ne pas y faire attention ou de faire attention à autre chose. Donc, ça veut dire un comportement rationnel de tous les instants. Ça demande également d'avoir toujours en tête le contexte général, c'est-à-dire non seulement ce qu'on nous propose comme objet d'attention, mais également tous les autres objets possibles, tout ce à quoi je pourrais penser d'autre, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Donc il faut être dans un état de fraîcheur d'esprit particulier qui clairement n'est pas celui qui est occasionnel, disons plus que... Et c'est pour ça qu'en fait, il est quand même si facile de capturer l'attention. Oui, et on a l'impression d'ailleurs, Jean-Philippe Lachaud, que c'est finalement très contre-intuitif par rapport au cerveau, le fait de lutter finalement contre ces messages qui nous sont envoyés et qu'on peut regarder comme ça spontanément. Contre-intuitif dans quel sens ? Mais pour le cerveau, c'est-à-dire que effectivement, notre cerveau, il est plutôt attiré vers ces messages qu'on lui envoie et que ça demande un effort justement de contrer ces messages, non ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement le reflet d'un système qu'on appelle préattentionnel ou préattentif dans le cerveau, dont le travail, c'est d'orienter l'attention sur ce qui est potentiellement important autour de nous. Parce que l'attention a un petit aspect un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'elle est sélective. Donc si elle est sélective, c'est-à-dire qu'elle voit pas tout en même temps. Donc à partir de là, on peut passer à côté de choses très importantes à cause de cette sélectivité. Donc ce système attentionnel est complété par un système préattentif qui va un peu scanner en permanence tout ce qui est autour de nous pour dire là, il y a quelque chose de potentiellement important. Et c'est là-dessus que joue la publicité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès qu'on bascule sur un autre type d'information qui sont en fait les informations qui peuvent nous provenir du monde numérique, enfin du virtuel, nous ne sommes pas équipés, nous n'avons pas un système préattentif pour gérer ce type d'information. On n'est pas encore connecté directement à Internet par notre cerveau. Donc, il a fallu imaginer ces systèmes préattentifs, et c'est ce qu'on appelle les moteurs de recherche sur Internet. Y citons là-dessus, justement, sur ces outils quotidiens, finalement, qui nous écrasent par leur présence permanente. Tout à fait. Il y a un terme que j'ai tiré de la lecture des livres de Jean-Philippe Lachaud, en particulier le premier qui s'appelait le cerveau attentif, qui est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Il nous explique ce que c'est qu'une science. Une science, c'est quelque chose auquel on ne peut pas ne pas faire attention. Typiquement, la sirène des pompiers, et ben voilà, à cause du niveau de bruit, mais aussi à cause de certaines formes qui attirent notre regard. Et savoir qu'on vit à l'intérieur justement d'environnements, si on parle d'écologie, qui sont saturés de science parce que les publicitaires, parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, alors là, ça rend beaucoup plus problématique l'idée que nous sommes libres d'utiliser notre attention. Parce qu'il y a des sciences, parce que aussi il y a des accoutumances. Est-ce que moi je pourrais vivre sans téléphone portable aujourd'hui ? Sans doute. Ouais. Peut-être qu'un jeune homme qui est en train de chercher un travail ou une jeune femme, elle doit répondre à des possibilités d'emploi et elle est beaucoup moins libre que moi de se dire je me débranche et je pars à la campagne. On va écouter Krishnamurti dans un instant, mais d'abord avant cela j'ai une question pour Jean-Philippe Lachaud de la part de Sophie qui nous écrit et qui nous dit j'ai trois jeunes de 24, 22 et 17 ans qui ne vivent plus sous mon toit mais je les vois sporadiquement maintenant, et je suis effaré de voir à quel point aucun n'arrive à déconnecter de son téléphone justement pour participer à un moment familial quand nous sommes ensemble. En tant que mère, cela m'inquiète vraiment d'observer cela. Je ne sais pas s'ils réalisent. Jean-Philippe Lachaud, alors les téléphones, les moteurs de recherche, tout ça, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ce que ça crée principalement, ça crée une disparition de la hiérarchisation naturelle de l'information par le contexte physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, quand on était en famille avec ses parents, là, dans ce cas-là, on était là, on n'était pas ailleurs. Mais avec les téléphones, ces jeunes sont non seulement là avec leurs parents, mais ils sont également avec tous leurs amis. Donc vous voyez ce que ça pose comme problème au cerveau quand il s'agit de sélectionner ce à quoi faire attention, parce qu'il y a beaucoup plus de sources possibles, de stimulation, et c'est pour ça que l'attention est mise en surchauffe. Et notre cerveau, il est capable de gérer tout ça en même temps ou pas? Pas du tout. Notre cerveau n'est pas du tout fait pour être multitâche. Il va pas procéder de façon séquentielle ou alors traiter l'information de façon très superficielle. Ça va donner quoi au quotidien? Ça va donner des conversations extrêmement pauvres avec des réponses laconiques de 2-3 mots, ce qu'on peut observer. Prenons un instant de pause avec l'Indien Krishnamurti. C'est en 1972, cette archive sonore que vous allez entendre justement au sujet de l'attention. Vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté? Mais, division même en soi-même. Division en soi-même? Oui. Quand il y a cette division, il y a toujours ce conflit. Quand il y a un conflit, on ne peut pas penser clairement. Oui. Et comment ne pas être divisé pour un homme? Par attention. Vous savez ce que veut dire attention? Dites-le-moi. D'être conscient de tout. De la couleur de cette corbeille. Sans faire agir la pensée, peut-être. Non, non, attendez. Plutôt oui. Quand on est tellement attentif, il n'y a pas de sens, moi ou je, de ma personnalité, tout ça. Non. Non. Donc, de cette attention naît une action totale. Voilà, pardon pour la qualité sonore du document qui était un petit peu difficile, mais on a réussi quand même à percevoir les paroles de Krishnamurti, donc en 1972, qui parlait de division finalement. Yves Citon, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre? Alors, c'est vraiment superbe. À la fois, donc, moi je parlais d'ambivalence tout à l'heure, lui parle de conflit, de division, là on parle de la même base. Ensuite, il nous dit que cette division ou ce conflit, on ne peut pas, dans cette situation-là, on ne peut pas penser clairement. Et là, ce à quoi je m'attendais, c'est que justement, il ne faut pas être divisé, il faut être uni, il faut être concentré. Et d'ailleurs, vous avez présenté plusieurs fois, attention, concentration, comme si c'était la même chose. Ouais, ah non. Ah, justement pas. Non. Tout à fait. Donc là, je reprends là-dessus pour dire la concentration, alors Jean-Philippe pourra nous le dire beaucoup mieux que moi, mais il me semble que c'est un mode particulier d'attention qui peut être nécessaire lorsque, je ne sais pas, on conduit sa voiture, mais qui peut aussi être dangereux lorsque on est concentré sur un livre. Moi, ça m'arrive souvent, je lis un livre dans la rue et puis je me tape contre un poteau. Ah, vous lisez en marchant, parce que, vous? Voilà, oui, ça, c'est même pas la cause des téléphones portables, mais donc la concentration peut être aussi dangereuse que la distraction. Et j'aime bien dire que ce qu'on appelle distraction habituellement, c'est pas du tout une absence d'attention, c'est être attentif à quelque chose pour lequel l'autorité ne veut pas que nous soyons attentifs. À savoir que la notion même d'être attentif ou d'être distrait, elle est toujours fonction d'une certaine autorité qui nous dit, il faudrait être attentif à ça et vous êtes distrait parce que vous êtes attentif à autre chose que ça. Mais Krishnamurti, je finis là-dessus, allait non pas du côté de la concentration, mais d'être conscient de tout. Oui. Et là, je trouve ça à la fois très beau, ça serait justement de pouvoir aller dans le TGV, non seulement regarder ses fichiers Excel, mais s'apercevoir qu'il y a des prairies et que ces prairies sont un petit peu moins colorées maintenant qu'il y a 20 ans. Et en même temps, Jean-Philippe Lachaud nous disait tout à l'heure, l'attention, c'est toujours de la sélection. D'où le problème. Jean-Philippe Lachaud, est-ce que vous avez pu entendre les propos de Krishnamurti? Absolument, tout à fait magnifique, j'y adhère totalement. Alors je me distinguerai un tout petit peu de Yves sur la concentration, parce qu'une concentration, on peut être concentré avec une attention quand même très ouverte. Il y a des exemples très pratiques, c'est un entraîneur de l'équipe de France de handball au championnat du monde il y a quelques années qui disait, j'ai été très satisfait de mon équipe, qui était très concentrée, les joueurs étaient très concentrés. Ils étaient évidemment pas juste concentrés sur le ballon, ils étaient concentrés sur un champ très ouvert qui comprenait les joueurs de l'équipe adverse, les joueurs de leur propre équipe. Donc la concentration peut impliquer quand même une certaine ouverture, voire même une ouverture grande. Par contre, la concentration implique toujours une intention. Alors dans le cas d'Yves et de son livre et des poteaux dans la rue, ce qui peut être dangereux, je dirais que l'intention d'Yves, qui est de lire son livre, n'est pas forcément adaptée au contexte, qui est de se déplacer dans la rue sans se cogner. Ah oui, ça j'aimerais bien qu'il m'explique comment il arrive à le faire sans avoir trop de bosse sur le front. Bon, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion. D'autres messages pour vous, des auditeurs, sur franceinter.fr. Je cherche arrêté son moyen d'expression. Je cherche un tout un ton, une boîte et son adéquate dimension. Le bousque por todas partes. Yo soy cuerdo, soy también loco. Yo no soy malogrado. Souffle un son, une étincelle et sa continuation. Je cherche une pause, un pont, une porte et son illustration. Busque por todas partes. Yo soy cuerdo, soy también loco. Yo no soy malogrado. La voix de Gaëtan Roussel, je cherche à l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire temps de cerveau disponible? Même les gens qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir comprennent au moins de manière intuitive que ça veut dire temps de cerveau sans conscience. La tête au carré. Voilà le philosophe, la voix du philosophe Bernard Stiegler, abondamment cité d'ailleurs dans votre livre Yves Citon pour une écologie de l'attention. C'est le dossier qui nous intéresse cet après-midi avec également Jean-Philippe Lachaud en duplex de Lyon. Pourquoi d'ailleurs ce thème résonne autant dans nos sociétés aujourd'hui, Yves Citon? Alors, il résonne beaucoup. Il y a un livre important de Jonathan Crary qui, depuis l'année 2000, je crois, montre que le grand moment où on parle énormément d'attention, c'est pas seulement 1990, c'est 1880. En 1880, toute une série de facteurs dans lesquels j'ai pas l'occasion de rentrer maintenant font que tout le monde se préoccupe d'attention, parle de crise attentionnelle. Ouais. Donc ça fait au moins un siècle. Donc c'est rien de nouveau. Mais vous dites alors, que c'est bien antérieur. Hein. Alors c'est antérieur aussi. Il y a alors à la fois il y a plein de choses qui se retrouvent et il y a quelque chose d'absolument nouveau. Je sais pas si on en parle maintenant, qui est justement ce qui se passe avec Google, avec le temps de cerveau disponible dont on parlait tout à l'heure, qu'on essaye non seulement de capter, mais sur lequel on a des données absolument nouvelles. C'est ça le numérique. La nouveauté du numérique, pour moi, c'est pas ce qui se passe entre l'écran numérique et mes yeux ou mes oreilles, c'est ce qui se passe derrière. À savoir que chaque fois que j'ai un écran et que j'interagis avec lui, des informations sont envoyées, on appelle ça big data, on appelle ça comme on veut, qui sont collectées par Google, par Facebook, par Twitter, etc. Et qui peuvent ensuite alors être marchandisées, c'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qui vont donner des informations très très précises sur mon attention. Et ça, c'était pas le cas en 1880. On faisait de la réclame, c'est là où la réclame, la publicité émerge, on essayait de concentrer le travailleur sur son travail à la chaîne de montage, mais on n'avait pas des données en temps réel sur le fait que lorsque vous êtes sur une page internet, si vous cliquez pour en sortir au bout de 30 secondes ou au bout de 10 secondes, quelqu'un le sait. Et toutes ces données-là, par exemple mon livre, vous parliez de mon livre tout à l'heure, si beaucoup de gens lisent mon livre sur des plaquettes, on pourra voir que certaines parties, on les a passées très rapidement parce qu'on a lu que mes gros titres et pas le reste, et donc une deuxième édition pourrait se dire, bah tiens, on va enlever ces parties où personne ne lit ou très peu de gens lisent, et puis on économise du papier, etc. Sauf que on va formater les attentions à venir en fonction des données recueillies sur les attentions présentes ou passées. Ouais. Et c'est ça la nouveauté absolue. Bah, c'est ce que fait Twitter aussi d'ailleurs, hein, en réduisant le nombre de caractères drastiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre capacité de lecture semble un peu amoindrie quand même. On se contente beaucoup des chapeaux dans les articles, par exemple, au lieu de lire l'article en entier. Hein, c'est-à-dire qu'on est capable de liker des choses qu'on n'a pas lues même. Voilà, ça y a plein de dimensions sociales. Est-ce qu'on est capable ou pas capable d'avoir plus d'attention? De nouveau, là, c'est Jean-Philippe qui connaîtrait ça mieux que moi dans les évolutions. Il y a juste une question de Jean qui nous dit, est-ce que par hasard, vous ne coupez pas notre attention en passant de la musique sur l'antenne? Alors, une des qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'on pourrait faire une émission d'une heure sans musique du tout, c'est-à-dire qu'on enlève les trois chansons qui sont diffusées, par exemple, dans La Tête au Carré, donc on a une longue émission, mais est-ce que nos auditeurs seraient aussi attentifs, par exemple? Alors, moi, je fais une réponse plaisanterie qui est qu'une de vos chansons avait comme refrain Maximize All the pleasure. Et je crois que c'est ça. Vous voulez à la fois qu'on ait le plaisir. Maximiser le plaisir de la musique et de la parole, etc. Mais ça sera Jean-Philippe Lachaud qui pourra beaucoup mieux nous dire si une attention soutenue sur une heure est forcément meilleure que des moments d'attention avec des moments de distraction qui, en fait, peuvent revitaliser l'attention. Donc là, il répondra mieux. Alors, Jean-Philippe Lachaud, attention à votre réponse, car justement, votre réponse peut influencer à tout jamais le destin de La Tête au Carré. Non, je vais vous faire plaisir. Alors, effectivement, il y a cette dimension plaisir, que l'émission globalement soit agréable. Mais en plus de ça, il y a de plus en plus de travaux qui montrent l'intérêt de petites pauses au niveau d'une structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est très impliquée dans la mémoire, dans la mémorisation. C'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, pendant ces petites pauses, il y a des phénomènes dits de replay en anglais, où on se rejoue inconsciemment, le plus généralement, ce qui vient de se passer. Et c'est important pour l'apprentissage, donc ça peut être très utile. Voilà, amis auditeurs, nous prenons soin dans La Tête au Carré de votre hippocampe. C'est pour ça qu'on passe des disques, même si ça vous fait râler bien souvent. Google, les moteurs de recherche, Jean-Philippe Lachaud, là-dessus aussi, j'aimerais bien vous entendre. Précisément, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure. Effectivement, il y a cette dynamique qui est intéressante, qui est que, comme je le disais, notre cerveau n'a pas la capacité de se tenir au courant de tout ce qui se passe sur Internet, de tout ce contenu numérique, pour aller faire une sorte de pré-tri, pour nous amener ce qui pourrait être important. Donc, ce travail doit être fait par une sorte de prothèse de système attentionnel, qui ne va être rien d'autre qu'un moteur de recherche. Type Google et autres. Donc il y a tout ce travail, en fait, c'est parmi tout ce qui existe, c'est-à-dire ces milliards de contenus, voilà ce qui à un moment pourrait être important pour vous. Donc ce travail est fait de façon numérique et il va y avoir une sorte d'interaction qui est intéressante entre ce système pré-attentionnel et le nôtre. Notre système pré-attentionnel qui lui-même va avoir ses sensibilités, ses préférences, comme le disait Yves, pour certains éléments plus saillants, voire pour des éléments qui peuvent avoir ce petit côté excitant, de gratification immédiate. Et donc là, il y a possibilité de manipulation, puisque si l'algorithme est conçu pour aller rechercher parmi tout ce qui existe, ce qui peut non seulement correspondre à nos attentes, mais également à ce qui pourrait nous faire plaisir, on voit bien que notre attention va avoir tendance à se verrouiller là-dessus, au détriment d'autres contenus. Donc il y a vraiment une possibilité de manipulation de l'attention à ce moment-là. Et en plus de ça, juste pour finir, ces systèmes vont être d'autant plus efficaces qu'ils nous connaissent bien, qu'ils connaissent nos habitudes, ce qu'on aime, ce qui est important, comme je le disais. Donc d'où l'importance de récupérer pour ces systèmes, pour ces algorithmes, des données personnelles. Ouais. Est-ce que ça ne nous enferme pas justement, Yves Citon aussi, le fait que ces moteurs de recherche nous connaissent si bien? Alors ça peut justement nous enfermer dans quoi ? Nous enfermer dans ce que des profilages numériques interprètent comme nos attentes. Et là, il y a vraiment, en français, on a ce bel écho, je suis littéraire, c'est aussi pour ça qu'on a attention et attente, qui sont des mots qui ont l'air très proches. Et la grande menace, me semble-t-il, et la grande nouveauté, on parlait toujours, oui, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, qui est ce risque beaucoup plus grand, mécanisé, d'enfermement de nos attentions, non pas tellement dans nos attentes elles-mêmes, mais dans ce qui est interprété comme des attentes par des machines qui sont à la fois des machines numériques et des machines commerciales, des machines capitalistiques. Rebecca nous dit « Et si je vous écoute tout en travaillant, écrire des textes ou dessiner des cartes, car je suis, dit-elle, géographe, cartographe, est-ce que ça appauvrit, un, mon travail, ou deux, la compréhension de ce que vous dites ?» Jean-Philippe Lachaud, qu'est-ce que vous en pensez pour répondre à notre auditrice, Rebecca ? Alors, d'une certaine façon, oui. Parce oui, quoi que en écoutant l'émission tout en faisant autre chose, il y a des choses qui ne vont pas se passer. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui ne vont pas se produire dans son esprit avec d'autres choses. Elle va moins bien mémoriser. Ceci dit, ça dépend de son intention. Si son intention est de vraiment faire un travail approfondi sur l'émission et de faire une page de notes derrière, effectivement, ça peut être gênant. Si c'est juste pour se tenir au courant, une attention plus légère, plus épisodique peut être suffisante. Yves Citon. Moi, je me rappelle de très belles pages dans le cerveau attentif de Jean-Philippe, qui nous explique que, par exemple... Vous vendez bien ces livres, en tout cas. Bravo. Oui, on se partage les profits. Hein. Et donc, il nous explique que arroser ces plantes une fois par semaine, c'est être attentionné et être attentif à ces plantes, mais ça prend que quelques minutes chaque semaine. Et donc là, moi, je sais que je cuisine souvent en écoutant des podcasts, et ouais. Donc je peux cuisiner un petit peu et puis en même temps écouter. Vous êtes capable de couper un oignon tout en écoutant une émission, voilà. Par exemple. Alors après, je me rappelle d'avoir brûlé des quantités d'oignons parce que j'écoutais les cours de Gilles Deleuze, et là j'étais tellement scotché et j'essayais de prendre des notes que là aussi les oignons brûlaient. C'est pas compatible. Mais voilà. Ouais, exactement. Michel nous dit, que penser des grands panneaux publicitaires qui sont des écrans et non plus de simples affiches qui pullulent sur le bord des routes par rapport aux risques qu'ils augmentent quant au manque d'attention des automobilistes, l'œil étant systématiquement attiré par ces images qui bougent. Jean-Philippe Lachaud, c'est pour vous cette question. Oui, alors là, il y avait des chiffres récemment sur l'impact sur la mortalité d'avoir rabaissé la limite à 80 km/h. Ah, je oui. serais quand même curieux de savoir quel est l'impact de ces panneaux publicitaires, parce que c'est quand même un peu paradoxal. Ils sont conçus vraiment pour attirer et capturer l'attention. Pour détourner l'attention. Absolument, ouais. C'est fait pour. Et c'est un peu, enfin à mon avis, j'utiliserai un mot fort, c'est un peu criminel. Oui, donc vous êtes absolument opposé à ces dispositifs, oui, qui sont hyper dangereux finalement. Hein. Exactement, je comprends même pas que ça existe. Ouais. Et qui sont vraiment à percevoir comme des agressions. C'est vraiment des agressions publicitaires. Et là, Jean-Philippe l'explique très bien, parce qu'on ne peut pas ne pas. C'est des saillances dont on parlait tout à l'heure. Si ça bouge, on imagine ou on sait ou notre cerveau depuis des milliers d'années se dit que ce qui bouge, ça peut être une menace. Et donc, on ne peut pas ne pas regarder ce qui bouge, comme il disait tout à l'heure par rapport à certains mots. Et donc là, c'est vraiment une agression caractérisée. Je vois pas pourquoi on tolère ces agressions publicitaires alors qu'on n'a vraiment pas besoin de le faire. Richard nous dit, les dernières études montrent une baisse du bien-être en lien avec le temps passé devant les écrans. Les ingénieurs de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles sans Wi-Fi. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les écrans dans les écoles primaires, Jean-Philippe Lachaud ? Ah, ça, c'est l'éternel débat. Cette anecdote, elle revient souvent. Moi, je suis pas trop pour l'interdiction, mais plus pour l'éducation. Et voilà, donc parler en classe de l'attention, de ce que ça fait, de comment mieux la maîtriser, avoir des programmes d'éducation de l'attention dans les écoles. Je pense que c'est la voie à privilégier. Oui. Le passage de l'économie à l'écologie de l'attention, Yves Citon, ça consiste en quoi exactement alors ? Eh ben là, en particulier, ça consiste à se dire que oui, il peut être très précieux de créer des milieux attentionnels qui soient déconnectés. Donc on va passer 2 heures, on va lire un texte, ou on va se regarder dans le blanc des yeux, peu importe, et là on va pas répondre à nos SMS, etc. Mais ça consiste aussi à intégrer ces appareils intelligents, ou supposés être intelligents, dans ce que nous pouvons faire. C'est des outils, et de les exclure complètement de l'école, au lieu de se dire, il faut apprendre à les domestiquer, il faut apprendre à les découvrir, il faut apprendre à les utiliser, sans méfier, forcément, c'est des pharmacones, pour reprendre des termes de Bernard Stiegler, c'est à la fois des remèdes et des poisons, et c'est pas en les laissant à l'extérieur au fait que sitôt qu'on sort de la salle de classe, tout d'un coup on va se ruer là-dessus, à mon avis que ça va suffire à aider. Ouais. Et quand vous dites qu'il faut avant tout prêter attention aux autres finalement, ça c'est aussi un message important dans cette conception de l'attention collective. Alors on prête toujours attention aux autres, je crois. Le problème c'est qu'on peut prêter attention aux autres comme à des ennemis, comme à des rivaux, comme à des compétiteurs ou plutôt comme à des alliés. Et là il me semble que le néolibéralisme nous fait prêter attention aux autres comme à des compétiteurs, des rivaux plutôt que des solidaires, des coopérateurs. Et vous terminez par le message politique. Voilà, la boucle est bouclée. Yves Citon pour une écologie de l'attention, c'est au seuil, dans la couleur des idées. Et puis les petites bulles de l'attention, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, Jean-Philippe Lachaud, aux éditions d'Yves Jacob. Jean-Philippe, donc, on se retrouve mardi prochain sur la scène du 104 à la Maison de la Radio et dans 150 salles de cinéma en France, avec tous ceux qui vont venir se déplacer pour nous entendre parler d'attention et de concentration. De quoi est-ce que vous allez parler sur scène, justement, au public, Jean-Philippe, pour nous donner envie d'aller vous entendre? Alors on va parler évidemment des mécanismes de l'attention, de comment ça fonctionne, comment reprendre le contrôle de son attention et surtout du plaisir qu'il y a à être attentif, de l'attention comme une source de joie. Voilà, pour ceux qui souhaitent nous retrouver donc sur la scène du 104 et dans les salles de ciné en France avec évidemment Lionel Nakache, on peut s'inscrire pour prendre les places sur le site de France Inter, franceinter.fr. C'est la deuxième conférence sur le cerveau, donc mardi 5 février prochain à 20h. Merci beaucoup à tous et bon retour. Merci Mathieu.